Bonjour et bienvenue dans Délivrez-nous, le podcast qui parle Délivrez-nous. C'est Dino au micro. C'est Bibiche au micro. Ah, tu me dis plus bonjour maintenant. Bonjour Dino. Bonjour Bibiche. Mais c'est que dans les tests, on s'est déjà dit bonjour 3 ou 4 fois, donc... Oui, c'est vrai qu'on a fait des tests avant. Mais c'est pas des tests PCR. Non. C'est des tests podcastiques, voilà. Bon. C'est moins douloureux. Ça dépend jusqu'où on enfonce le micro. nous sommes le 34 juin. Tout à fait. L'heure est venue pour nous de revenir sur le livre du challenge du mois de juin. C'est quand même une chance que le mois de juin ait 34 jours, du coup. Théoriquement, il y en a 37. mais on a décidé d'être un peu en avance sur cette fin de mois de juin. Alors, Bibiche, est-ce que tu peux rappeler à nos nouveaux auditeurs le concept de ce podcast ? Alors, le concept de ce podcast, c'est en fait, on lit des livres sur un thème imposé différent chaque mois. On lit un livre différent tous les deux et on se retrouve une fois par mois pour parler du livre autour d'un micro. C'est le seul moment du mois où on se voit d'ailleurs. Tout à fait. C'est particulièrement vrai ce mois-ci. En même temps, un 34 juin, ça n'arrive pas tous les jours. C'est vrai. Alors Bibiche, en ce jour exceptionnel du 34 juin, quel est le thème du mois de juin ? Alors, le thème du mois de juin, c'est... tu m'inquiètes là, tu as un regard bizarre. Non, alors je ne veux pas parler des chats, mais je vois des traces de dents sur un câble et ça m'énerve. Et je sais que c'est pas les tiennes, c'est pas les miennes. Donc... Non, effectivement. Du coup, le thème du mois de juin, c'était un livre qui, un roman qui parlait du cannabis. Et tout à fait. Et donc, du coup, on a lu. Un roman qui parlait du cannabis. Et c'est original, puisque c'était effectivement mon cas, et je vois que c'est le tien. Donc, oui, petit... alors rien qu'avec les titres, on sait tout de suite qu'on est dans le bon thème. Hein. Oui, oui, les titres, puis oui. La photo aussi, enfin la couverture. Les couvertures se ressemblent assez d'ailleurs. Ouais, je trouve qu'il y a un certain point commun. Ouais, ouais déjà il y a du cannabis. Et puis... Visiblement. Donc, petit rituel de début d'émission... Je te passe mon livre. Et je te passe le mien. Oh, le tien est, beaucoup, très lourd, le tien est beaucoup trop gros. Tout petit livre. Oh, qui est tout petit, j'aurais du mal à le tenir. Comme toi. Et de mémoire, on t'as commence. T'as dit quoi comme Hein ? T'as dit quoi là ? J'ai dit qu'il était petit, fluet comme toi. Alors que l'autre livre, il est grand et gros comme moi. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toute cette description. Oui, bah, je ne suis pas fluette. Donc du coup, la dernière fois, on avait fini avec ton livre. Oui. Donc du coup, on commence avec ton livre. Oui. Puisqu'on croise. C'est ça. On est un podcast chiasmatique. Un quoi ? Un podcast chiasmatique. Alors, tu te rappelles pas les chiasmes ? Non, c'est quoi ? Le chiasme, cette figure de style qui consiste à croiser les rimes. Oh là là, non, ça c'est trop vieux, je m'en souviens pas. Et puis alors tout ce qui avait attrait à la poésie, ça avait tendance à entrer d'un côté et ressortir de l'autre. Hein. Sache qu'il y aura un quiz en fin d'émission. À part les alexandrins qui ont 12 pieds. Les chiasmes, et donc pas les miasmes, puisque ça c'est... vous fait pas... Oui, Camo. Oui, suis-nous. Camo, nous sommes dans le salon en train d'enregistrer une émission. Viens faire profiter de ta douce voix à tous nos auditeurs. Viens, mon chat. Oui, oui, tu es une star. Oui. Le pire, c'est qu'on ne l'entendra pas après. On n'a que 3 auditeurs, calme-toi. C'est bon. 3 ? Moi, j'en vois que 2. Bah, Quentin, les gars, et puis. Non, même pas ma mère. Donc, pour ce mois de juin, tu as lu. Oh, dis donc, le titre est original, Défoncé. De Mark Haskell Smith. Oui. Un roman publié aux éditions Paillot Rivage, dans la collection Noir. Oui. La couverture, c'est un mec qui ressemble un peu à un aviateur moderne, puisqu'il a une espèce de chapeau et puis des couettes qui sortent sur les côtés, qu'on dirait que c'est Saint-Exupéry, mais que c'est pas Saint-Exupéry. Des couettes ? Il a des couettes qui sortent oui, sur, le côté. Sur le côté ? Oui, sur le côté, il a une espèce de couette. Oh, j'avais même pas vu les couettes, Attends. Ouais, ça... Analyse d'image, mes souvenirs quatrième. Et évidemment, il a... Une cigarette au bec. Il a un bon gros spliff. Oh, t'as retenu les termes, moi j'en ai retenu aucun. Il a une tête de skunk ou je sais pas quoi. Au bec, effectivement, il a un bout de cigarette qu'on devine être un joint. Ouais. Un bédo. Oui, on va rester sur le terme joint, qui est le terme le plus banal que je connaisse, et, parce que les autres, je les ai pas retenus. Alors, précisons quand même que nous consommons de nombreuses drogues, notamment toi. Mais pas oui, le cannabis. Surtout en ce moment. défoncer. Même si, d'après ta mère, visiblement, je devrais essayer. Oui, mais ma mère a dit beaucoup de conneries. Bonjour, vous gros êtes chiant. Chat. Vous êtes très chiant. On va vraiment vous abandonner sur le bord de la Nationale 2, en espérant que vous fassiez écraser par un agent de chantier, parce qu'ils sont en train de faire des travaux sur la Nationale 2 en ce moment. Donc, du coup... Nous parlions de défoncer, de oui, Mark Haskell Smith. Et pas le chat, hein. On va défoncer ce roman. Alors, roman de Mark Haskell Smith, auteur américain. Oui. Si j'ai bien lu la fiche Wikipédia. Auteur qui fut scénariste. Oui. Il a notamment fait un épisode de Star Trek Voyager. Oui, j'ai vu ça moi aussi, voilà. Sur Wikipédia, qui est notre donc unique source d'information quand on prépare les émissions. Hautement pédagogique, d'où la déviation Wikipédia. Alors, ce roman, moi, je l'avais vu dans la liste. Tu l'as acheté avant. Ça a été un concours de circonstances. C'est-à-dire que quand on a cherché les livres, je crois qu'on en avait parlé à la fin de l'émission précédente, mais quand on a cherché les livres, on a dû trouver 4 ou 5 titres maximum. On a porté notre choix tous les deux sur le même et j'ai été la première à faire la commande auprès de notre libraire. L'arbre généreux à 60. On ne touche pas des parts, hein, mais une fois, il nous fait des réducs, comme tous les autres clients. Donc, ce livre, je voulais le lire. Je ne sais plus pourquoi. J'ai beau lire le résumé, je ne vois pas pourquoi. Sans doute la solitude. C'est peut-être les commentaires sur Babelio. Je ne lis pas les commentaires sur Babelio. Ah, alors, dans ce cas, je ne sais pas du tout pourquoi tu voulais le lire. Et donc, du coup, je te pose la question, Bibiche, de quoi parle ce roman ? Alors, ce roman, alors je vais le reprendre parce que je me... C'est très intriguant parce que ce roman, tu l'as lu, je n'étais pas là. Donc je l'ai lu pendant 48 heures à peu près, pendant une hospitalisation au cours du mois de juin. Mais nous n'allons pas rentrer dans les détails de notre vie privée. Et du coup, je l'ai lu sans que tu me voies le lire. Et c'est la première fois que ça arrive. Jusqu'à présent, on s'est toujours vu lire les livres. On a toujours eu un peu une idée de ce que l'autre pensait du livre et tout. Et alors là tu pars dans l'inconnu total. Donc, ce livre, ça raconte l'histoire de Miro Bazinas, qui est le héros principal, qui a un diplôme en agriculture, d'agronome, et qui fait pousser des plantes, mais qui a une technique particulière où vraiment il prend soin des plantes, il aime tout ce qui est bio, il aime il aime pas les trucs chimiques. Son maître à penser, c'est Floyd Zeiger, qui a inventé le plus haut, qui est un croisement entre le je sais plus quoi, c'est entre la prune et l'abricot, je crois. Et mais quelle idée la con de croiser une prune et un abricot. Bah apparemment il a croisé plein de fruits comme ça, mais c'est en fait il faisait des pousses, il mélangeait les deux plantes, enfin je sais pas, il y a un nom, il les greffe l'une sur l'autre, oui. pour créer un nouveau fruit, et c'est une manière naturelle et qui a toujours existé de créer des nouveaux fruits. Et lui, il fait ça sur les plantes dont il s'occupe. Sauf que les plantes dont il s'occupe, c'est des plantes de cannabis. Alors, n'est-ce pas assez surprenant sur le thème du mois de juin. Du coup, lui, s'est spécialisé dans l'amélioration des plantes de cannabis pour cultiver les plants parfaits qui procurent des sensations idéales au niveau du planage, des intensités, des émotions. Enfin, j'avoue que j'ai un peu de mal à cerner parce que n'ayant jamais fumé de cannabis, je ne sais pas trop exactement ce que ça produit, mais bon. On cultive par contre, hein, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Bon, par contre, il faut savoir qu'aux États-Unis, ça se passe, lui, il est américain, il est californien, et aux États-Unis, en fait, l'usage de cannabis à but thérapeutique est autorisé. Donc, on a le droit d'en consommer. Alors, j'ai retrouvé tout à l'heure en cherchant, il y a un texte de loi de la législation californienne qui autorise les patients qui ont besoin de marijuana médicinale à faire pousser 6 plantes naturelles et 12 plantes immatures pour leur usage personnel ou à la revente à une officine, coopérative ou à un collectif autorisé à commercialiser du cannabis. Donc, en fait, ce qu'il fait, c'est tout à fait légal. On est dans la légalité pour lui. Et en tant qu'agronome, botaniste, il cherche à faire la plante parfaite. Et il y a à Amsterdam tous les ans la Cannabis Cup qui récompense... C'est vrai, on a vérifié, oui, ça existe. C'est vrai. Qui récompense, en fait, les producteurs de cannabis présentent leur plan et chaque année est élu le meilleur plan de l'année, innovant. Donc il va participer parce qu'il est vraiment persuadé que la plante qu'il a, le plan qu'il a créé est génial. Du coup, il va se présenter. Bon, il lui faut un sponsor et c'est un petit peu compliqué au départ parce qu'il est complètement inconnu. Mais il va réussir à présenter son plan à la Cannabis Cup et il va remporter le trophée de cette année-là. Parce que vraiment, son plan, il est génial, génial. Sauf que, quand on gagne ce genre de choses... C'est un plan de cannabis dont tu parles. Oui. J'étais en train de dire, mais pourquoi elle me parle de plan depuis tout à l'heure ? Excuse-moi, je ne suis pas prêt. Un plan de cannabis. Oui. Non, je pensais à un plan. Ah, carte, comme un architecte. Voilà, mais je ne cherche pas, c'est parce que... D'accord. Non, pas du tout. Tu m'éblouis, ma chérie. Oula. Je ne sais plus quoi penser. T'as touché à ma plaquette de morphine ? Pas du tout. Je vérifierai mais quand même. Mais ne cherche pas. Ne compte pas les doses, ça ne sert à rien. Du coup, il remporte la Cannabis Cup. Évidemment, son nom devient rapidement très connu dans l'univers, on va dire, assez restreint des producteurs et des consommateurs et surtout des, on va dire, il y a des petites officines qui revendent. Mais il y a aussi des plus grosses officines, un peu moins légales, qui ne cultivent pas, on va dire, qui ne vendent pas le nombre autorisé de plants et qui ne sont pas très sélectifs au niveau des ordonnances qu'ils reçoivent pour vendre leur cannabis et qui importent de l'étranger. Et du coup, ces gens-là qui aiment bien avoir la mainmise sur le produit qui a remporté la Cannabis Cup cette année sans s'embarrasser de détails comme il faut payer pour celui qui l'a inventé, le producteur, se disent que, ma foi, si on le tuait et qu'on piquait toutes ces plantations, ça serait plus simple. Donc du coup, on est plus dans l'esprit polar. Ah oui, complètement. Et donc, l'histoire commence, Miro sort de chez lui et il se prend une balle. C'est le premier chapitre, il sort de chez lui, il se prend une balle, il va survivre, hein, je ne veux pas dévoiler la fin de l'histoire, mais il va survivre. Et donc, sinon le roman est court. Derrière, le roman se divise en deux parties. Avant la balle, c'est-à-dire qu'il raconte ce qui s'est passé avant, le fait qu'il a créé sa plante qui s'appelle l'éléphant de Crush, qu'il a présenté à Amsterdam, les gens qu'il a rencontrés là-bas, et jusqu'à ce qu'il se fasse tirer une balle. Et après la balle, l'enquête que lui va mener, mais que la police en parallèle va également mener pour élucider cette tentative de meurtre et pour lui comprendre ce qui lui est arrivé. Parce qu'au départ, il ne sait pas du tout pourquoi on lui a tiré dessus. Et c'est qu'en sortant de l'hôpital, quand il rentre chez lui, qu'il découvre que son appartement a été saccagé et ses plans volés, qu'il se rend compte qu'en fait, c'était bien lui qui était visé et qu'en fait, on lui a piqué toute sa réserve. Alors, dans les commentaires, j'ai vu, sur Babelio, j'ai vu que certains lecteurs, enfin un lecteur notamment, avait fait la comparaison avec deux films. Un, je sais que tu ne connais pas, c'est The Big Lebowski, mais ça parlera peut-être aux auditeurs. Et un autre, c'est Pulp Fiction. C'est quand même des univers assez marqués, une narration assez originale. Est-ce que le roman, il est vraiment dans cet univers un peu décalé ? Ouais. Je trouve que la comparaison avec Pulp Fiction est bien trouvée parce que, alors, je l'ai vu qu'une fois le film, mais il m'a laissé une impression très forte de trucs assez difficiles à suivre, où on passe d'une temporalité à l'autre, de personnage à l'autre, et c'est vrai que c'est un peu ça, mais avec plus de simplicité. Il y a une seule temporalité, donc ça, c'est quand même vachement cool. Mais effectivement, il y a toute une galerie de personnages qui gravitent autour de Miro, qui n'ont absolument aucun rapport avec lui au départ, parce qu'il y a par exemple deux... c'est pas des témoins de Jéhovah, alors j'ai oublié. Les Mormons ? Oui, c'est ça. Il y a des Mormons, il y a une scientifique portugaise... Il y a un policier. Alors je rigole, c'est pas l'idée d'une scientifique portugaise qui me fait rire. C'est juste dans le roman une scientifique portugaise. Là, et qui va se retrouver enceinte. Il y a un policier qui visiblement extrêmement enrhumé. Je sais, on insiste beaucoup sur son rhume. Et il y a deux ambulanciers dont la fille est adepte des godemichets ceintures et elle aime bien sodomiser les mecs avec. Okay. Donc c'est vraiment une galerie de personnages. Tu te demandes des fois. Alexa, ajoute godemichets ceintures à ma liste d'achat. Le pire, c'est qu'elle t'a entendu. Merci Alexa. Mais bon, voilà, autour de lui gravite. Tu faut quand même penser à retirer ça de la liste. Bon, de toute façon, il n'y a que toi qui la vois, la liste, donc c'est pas trop c'est grave. Vrai. Donc il y a toute une galerie de personnages qui gravitent autour de lui et qui, à un moment donné, vont avoir leur importance. Mais du coup, c'est décalé parce qu'on suit un peu chacun à des moments où ils ne se sont pas encore rencontrés, à des moments où ils se sont rencontrés. Et. C'est comme si c'est comme beaucoup de enfin je sais qu'on a il y a d'autres films comme ça où en fait on suit toute une galerie de personnages qui à un moment donné se trouvent avoir un lien tous les uns avec les autres mais que on voit pas de prime abord. Et c'est vrai que par rapport à Pulp Fiction où on a effectivement plein de c'est plein de trucs un peu déjantés à droite à gauche, ça évoque un peu ça. Et du coup, je trouve que c'est assez, ça renvoie bien un peu à l'impression que je peux avoir, à l'image que je me fais de fumer un joint, qui doit te déconnecter un petit peu de certaines choses. Et je trouve qu'il est bien. Enfin, ça représente bien. Alors, c'est un peu la question que j'allais te poser parce que pour le coup, on est sur. C'est ce qui m'étonne en fait en le relisant, c'est que moi ça m'évoque des trucs dont je me suis lassé. C'est-à-dire que ça m'évoque notamment des séries. Il y a Weeds, il y a d'autres séries ou d'autres films comme ça qui ont été sur la thématique du cannabis, quelqu'un qui se met à exploiter du cannabis, la galerie de personnages autour. Enfin, voilà, c'est un univers un peu connu. Donc au final, quand même, je me suis assez lassé parce que finalement, ils n'arrivent pas à trouver une histoire en fait. C'est toujours assez pauvre entre guillemets en termes d'histoire. Est-ce que là vraiment c'est juste l'angle qui est il y a cet angle là et on surfe un peu sur une vague, ou est-ce que vraiment en termes d'histoire ça marche bien, c'est bon, l'histoire est hyper simple hein. Enfin quand tu résumes, c'est un mec qui a gagné un prix avec son plant de cannabis et qui se fait plomber par on va dire un gang qui veut s'approprier la plante et en avoir la production exclusive et qui essaye de le tuer et ça reste une histoire très basique. C'est juste que le. Alors, moi, je suis moins familiarisée que toi, je pense, avec ce genre de films, de séries. Donc, j'étais peut-être plus bon public. Mais je trouve que c'est bien écrit, bien dosé. Je me suis pas perdue. Ce qui est plutôt un exploit quand on pense que je l'ai lu. Mon sous gros dosage de morphine et à l'hôpital dans des conditions pas forcément idéales de, on va dire. Ça se trouve, ce livre est une merde. Mais de conscience. Mais non, franchement, ça m'a. Je savais pas exactement à quoi m'attendre, mais j'ai été agréablement surprise. J'ai vraiment apprécié ma lecture. Ça m'a évadé, ça m'a fait sourire. Il y a des moments d'humour, il y a des moments de légèreté, il y a des moments où, alors bon, il y a eu des moments où, surtout au début, j'ai dû garder mon téléphone sous la main pour regarder certains mots parce que j'avoue que je suis pas familiarisée avec les termes du langage de drogué, on va dire ça comme ça. Je sais pas comment alors, le dire. Tu diras le mien parce que dans le mien, il y a plein de notes de bas de page. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre en faisant des recherches sur le tien. Et mais bon, après, j'ai envie de dire que même sans l'explication, ça reste. On comprend que c'est un terme spécifique et on n'a pas forcément besoin de savoir à quoi ça correspond exactement. La seule vraie recherche que j'ai faite, c'est parce qu'il parle beaucoup au début de son inspiration de cette personne qui a créé le pluote, qui est un pruneau abricot, et une prune abricot, et je me suis demandé si le mec existait. C'était un prunico, c'était très bien, prunico, c'était très bien. Je me suis demandé si le mec existait vraiment, s'il y avait vraiment un mec qui avait créé un pruote, Et oui, en fait, c'est vraiment quelqu'un qui existe. On l'embrasse de là où il nous écoute. Attends, je te redis son nom. Il s'appelle Floyd Zeiger. Floyd Zeiger. Salut Floyd. question que je voulais te poser. Alors plus, bon, du coup, avis d'ensemble plutôt positif. Oui. Maintenant, on est quand même sur des romans qui traitent d'un sujet qu'on connaît finalement, nous, assez peu. Oui. Qui sont aussi des débats de société. Il y a beaucoup de à chaque élection, il y a une élection présidentielle. Sur la prochaine, éventuellement il y aura sans doute la dépénalisation. Ouais. Est-ce que c'est un roman aujourd'hui qui, je te pose la question de pas façon anodine, puisque c'est un peu le cas quand même dans mon roman, mais est-ce que c'est un roman qui a une démarche un peu militante, ou qui a une démarche de pédagogie, est-ce que... Non, franchement, du tout. Après, c'est un roman américain, donc qui se passe en Californie. Non, ce que je veux dire, c'est que ça se passe en Californie, où c'est à moitié dépénalisé, où l'usage... Ils ont des boutiques de CBD. Oui, c'est bizarre, on a plusieurs à Soissons qui sont en train de s'ouvrir en ce moment. Ça pop, pop, pop partout. Ah, j'en ai compté trois. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que là-bas, c'est pas illégal. Ce qu'il fait, lui, culture de cannabis, c'est pas illégal. Il va la produire, il va la revendre à des officines. S'il reste dans la quantité qui est autorisée pour une personne... C'est tout à fait légal. Et lui, c'est un petit cultivateur. Enfin, il fait ça dans sa cave, en fait. Donc, ça reste vraiment à taille humaine. C'est pas pour sa consommation personnelle, même s'il est consommateur. Mais ça reste dans les limites de la légalité, ce qu'il fait, lui. Et après, c'est différent selon le pays en fait où tu vas lire. Chez nous, c'est pas du tout autorisé. Oui, mais ce que je veux dire, c'est dedans, il y a pas de discours de l'auteur. Enfin, est-ce qu'il y a une tentative de message de l'auteur sur ça ? Non, non, j'ai pas eu l'impression. C'est vraiment juste un élément scénaristique. Ça fait partie de. Pour lui, je pense que c'est. Le mec qui aurait cultivé des tomates, ça aurait fait pareil. Oui, mais alors, du coup, je pense pas qu'il y aurait un gang... Les amateurs de tomates sont très puissants. Je pense pas qu'il y aurait un gang californien qui aurait essayé de faire main basse sur la production de la tomate qui a remporté le prix de la Tomato Cup cette année. Qui pourrait avoir lieu dans l'Aisne, parce qu'il y a dans le secteur, il y a un mec qui collectionne les tomates. Qui collectionne, ouais. les variétés du coup. Ouais. Il me semble que je l'ai parlé dans Ma Cheminée d'Andive. Ça me dit quelque chose, effectivement. Mais je pense que pour lui, c'est vrai, c'est plus un élément du scénario que, du militantisme pour ou contre, ou chacun. Enfin, il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de. C'est quoi l'inverse de propagande, il y a pas tu ressors pas du bouquin en disant faut que j'essaye ou c'est mal ou c'est vraiment un élément scénaristique, le fait que oui forcément il a créé une plante qui est géniale et du coup il y a forcément un gang qui veut se l'approprier et ça part en cacahuète. Il n'y a pas de recherche derrière, c'est pas... très clairement, tu sens que l'auteur, il ne condamne pas, parce que ces personnages, ils fument, ils sont décomplexés par rapport à ça. Et il doit au minimum connaître un peu son sujet, parce que les termes employés, la cannabis cup, la manière dont ça se déroule, les... Je ne sais pas ce qu'il a écrit d'autre. Il y a eu plusieurs autres romans. Je sais qu'il en a écrit plusieurs autres. Après, je sais pas s'ils sont sur des thèmes vraiment différents ou j'avoue ne pas m'être particulièrement renseigné sur l'auteur. J'avais juste retenu effectivement qu'il avait écrit le scénario d'un Star Trek. Et puis, je crois qu'il a été scénariste sur plusieurs projets. Donc, pour moi, c'est pas une démarche derrière et c'est pas c'est libre à soi par derrière de se faire son opinion et sans intervention de sa part, autre que c'est un élément de l'histoire. Bon, au final, un livre pas prise de tête. Non, c'est agréable à lire. Alors, ça, c'est pas il y a beaucoup d'attendus. Enfin, je veux dire, il n'y a pas non plus des trucs qui surprennent énormément, sauf la galerie de personnages qui est, on va dire, assez inhabituelle. Enfin, tu t'attends pas à voir des mormons en plein milieu de l'histoire. Et alors, j'ai quand même un petit passage à te lire parce que c'est rigolo. Les mormons, ils sont impliqués complètement par hasard. C'est juste qu'ils sont en train de faire du démarchage dans la rue au moment où Miro se fait tirer dessus. Et ils voient ce qui se passe. Et il y en a un des deux, parce qu'on ne se concentre que sur l'un des deux, qui est choqué d'assister à ça et qui, en fait, s'inquiète de savoir si la personne qui l'a vu se faire tirer dessus va survivre, et qui du coup lui rend visite à l'hôpital, et qui va prendre l'habitude de lui rendre visite à l'hôpital parce qu'en fait il est pas du tout de la région, il est là pour faire du démarchage, ça fait partie je suppose de son étape dans la culture mormon, on me demande pas, j'y connais rien, et du coup ils vont sympathiser. Mais c'est complètement atypique. Enfin, c'est pas du tout une amitié à laquelle tu t'attends. Et en fait, Miro va lui trouver un boulot où il fait des burritos dans un camion à burritos. Et il faut que je te lise ce passage parce que c'est très, très drôle. Le mormon, le petit mormon, il s'appelle Daniel. C'est un jeune mormon qui doit avoir 17, 18 ans. Il découvre la vie en plus. Et voilà. Pour Daniel, le burrito était bien davantage qu'un repas transportable. Cette invention culinaire se rapprochait de la Sainte Trinité, la divinité soi-même. Trois êtres distincts et séparés, partageant un seul et même dessein. À l'église, on lui avait enseigné le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans le camion à tacos, on lui avait appris à remplir sa tortilla avec une autre variante de la Trinité, viande grillée, riz et haricots frits. Il ne savait pas comment qualifier la salsa, mais prendre une simple bouchée de cette substance gorgée de piment incandescent était un acte de foi. Si Dieu l'avait envoyé sur terre pour accomplir de bonnes actions et répandre le bonheur dans la vie des gens, c'était en lui faisant confectionner des burritos. Pour le coup, c'est des personnages avec des destins qui sont peu communs. Je ne te révélerai pas ce qui arrive à ce Daniel par la suite, parce que c'est pareil, c'est tout aussi peu habituel. Alors, il y a quelque chose qui me vient. Il y a de la violence apparemment dans ce roman. Un peu. Bah, il se fait quand même tirer dessus par des armes. Et il y a le gang qui essaye de faire main basse sur sa production, qui n'y va pas de main morte. On a aussi donc la vision dans les. Il y a beaucoup de scènes d'action visiblement. Ouais, il y a des scènes d'action où on est avec les. Alors en fait, il y a le gang en lui-même qui veut récupérer et qui ont leurs hommes de main. Ils ont leurs hommes de main qui vont sur le terrain, qui tuent les gens, qui font les transactions. On les accompagne. Effectivement, ils n'ont pas peur de tuer. On a deux, trois scènes d'action qui sont bien, bien costauds, quoi. C'est pour ça que ça évoque bien Pulp Fiction. D'accord. Après, il n'y en a pas non plus tant que ça. Il y en a quelques-unes. Il y a quelques trucs un peu crades à un moment. Un peu crades. L'ambulancière et son godemiché ceinture. Ah, parce qu'il y a des scènes représentatives. Bah, il y en a une au moins. D'accord. Bah, c'est-à-dire que. Tu m'as corné la page, j'espère. Oui, j'ai dû la corner, je crois. Je sais plus. En fait, mais c'est pareil, c'est que des trucs par hasard. C'est-à-dire que c'est les ambulanciers, ce sont eux qui ont été appelés pour intervenir sur les lieux quand Miro se fait tirer dessus. Et le lendemain, le lendemain ou quelques jours après, on les revoit dans l'ambulance, ils sont en train de parler, d'être en mission, et ils voient un gamin qui fait du skateboard, qui se casse la gueule avec son skateboard. Et donc, c'est des ambulanciers, quel est leur premier réflexe? Bah, ils vont sortir pour aller voir s'il s'est pas fait mal et tout. En fait, le gamin, il se sauve. Il se sauve en abandonnant son sac à dos. Et du coup, bah, ils ouvrent l'ambulancière, elle ouvre le sac à dos en se disant, bah, ça se trouve, il a eu peur de nous. Puis peut-être que dans le sac à dos, on va trouver le nom de son lycée ou son nom, on va peut-être pouvoir le retrouver et tout. Et en fait, dans le sac à dos, elle trouve un paquet de drogue et qu'elle va garder en se disant, bah, je sais pas trop ce qu'elle va en faire. Elle dit qu'elle pour va dans le gâteau, c'est plus pratique. Voilà, elle peut le garder pour son usage personnel, elle peut le déposer à la police. Enfin bref, pour l'instant, la question ne se pose pas. Mais le fameux gang se rend compte qu'il a perdu un de ses fameux sachets d'éléphant de crush qu'ils viennent tout juste de récupérer, de faire main basse et tout, parce qu'en fait, le gamin, c'était petit dealer. Et ils vont faire irruption chez l'ambulancière pour récupérer le paquet. Et l'homme de main qui a été envoyé dessus pense tomber chez une frêle ambulancière qui va avoir peur de lui. Et puis qu'au passage, s'il pouvait la violer, ça serait en plus la cerise sur le gâteau. Et quand il essaye de la violer, il découvre qu'elle dort la nuit avec son Godmichet ceinture. Et c'est lui qui va se faire violer. D'accord. Okay. alors, pour donner envie au lecteur, je fais première, dernière phrase. Merci, s'il te plaît. Première phrase. Une balle peut vraiment foutre votre journée en l'air. Ça fait vraiment première phrase d'un roman comme ça. Voilà. Oui. Cette phrase ne voulait rien dire. C'était gratuit, mais en même temps méchant. Cette première phrase fait vraiment première phrase d'un roman. Bah ouais. Oui, en même temps, c'est... Non, mais... Enfin, fait vraiment truc de cinéma, quoi. Ça fait vraiment première phrase faite pour être une première phrase de roman. Mais du coup, tu t'attends tout de suite à ce que c'est ça. J'ai pas été surprise par derrière qui est d'abord les événements qui ont conduit à ce moment-là et ensuite les événements postérieurs à ce moment-là. Ça donne, c'est pas surprenant. Et dernière phrase, ils s'assirent à l'ombre d'un amandier, partagèrent une grenade et parlèrent de l'avenir. Deux salles, deux ambiances. Oui. Donc du coup, c'était Défoncé de Mark Haskell Smith, publié au format poche aux éditions Payot Rivage à 8,50€ chez votre libraire le plus proche. Alors, ça reste un roman noir. Bon, quand même... Non, les pages sont blanches. Oui, mais la couverture est noire. Ah, la couverture, oui, c'est vrai. Ça reste un roman noir dans l'ensemble, de ce qui ressort en général, l'atmosphère générale. Parce qu'il y a quand même des morts, des tentatives de mort. Le gang recule devant rien du tout pour faire main basse. Si tu dois tuer quelques innocents au passage qui ont juste ils ont juste le malheur d'être au mauvais endroit au mauvais moment, ça les dérange pas. Il y a un moment où ils font un échange sur un quai. Il y a un mec, il est en train de peindre un coucher de soleil sur le bord du quai. Il a rien demandé à personne, mais il est là et du coup il meurt parce que. Mais c'est en ça que la comparaison avec Pulp Fiction. Enfin, me semble effectivement collé par rapport à ce que tu en dis, c'est qu'effectivement Pulp Fiction, c'est un film qui, quand même, comme tous les films de Tarantino, quand même très cru, où la violence n'est pas cachée, etc. Mais en même temps, il y a cette petite légèreté. Mais il y a légèreté. Quelque chose en plus. Il y a voilà, cette légèreté dans les personnages, etc. Et là, c'est un peu ce que tu as l'air ça. De dire. Il y a des moments très crus de violence. Très brute. Les méchants sont vraiment des méchants. Ouais, et à côté de ça, t'as des moments légers, comme le passage que je viens de lire sur le burrito. C'est un truc, ça vient de nulle part. Tu t'attends pas à ça dans un roman noir. Oui, c'est vrai. Mais c'est une très bonne. Moi, j'ai vraiment apprécié ma lecture. Je savais pas à quoi m'attendre sur ce thème-là. Non plus, hein, je ne savais pas. Et c'est une très bonne rencontre. C'est une bonne rencontre. C'était sympathique. C'était. Très distrayant, ça a été lu à un moment où ça moins m'a... Distrayant. moins distrayant. Où ça m'a apporté... Toi aussi, tu te faisais tirer dessus à ce moment-là. Tout à fait, je me faisais tirer sur le cou à ce moment-là. Pas portugaise. Mais du coup, un très bon livre et un très bon choix de lecture. Je suis contente d'avoir été la première à le réserver chez notre libraire. D'accord. Eh ben, je suis content que ce soit la première. Je sais pas si. Faut que je le lise. Je sais pas. Moi, tu vas passer un bon moment. Et franchement, il se lit très très vite. Oui, ça a l'air. 300 pages. Un peu plus de 300 pages. Mais vraiment, ouais, il se lit vite. Ah, il y a des chapitres. Oh, j'aime pas les trucs où il y a des chapitres. Ouais, t'as perdu l'habitude. Il n'y a pas de chapitres dans ton truc Oui, il y a des chapitres. Mais c'est. Il y a des parties dans mon livre. Il y a deux parties aussi dans le mien. Il y a avant la balle, après la balle. Je te jure, c'est vraiment le nom des parties. Franchement, c'est une bonne découverte. Pas forcément au point d'aller voir ce qu'a écrit l'auteur, ce qu'il a écrit d'autres. Mais on n'ira pas voir, ça tombe bien. mais allez-y, hein, c'est sur Wikipédia. C'est pas un bouquin que j'aurais lu si on n'avait pas choisi le thème du cannabis. Je serais pas allée vers ça. Mais c'est tout à fait l'objectif de. Et c'est du coup, c'est une très chouette découverte. Donc, en tout cas, vous retrouvez toutes les références pour accéder à ce livre en notes du podcast. Voilà, et du coup, on peut passer au livre suivant. Alors, on va passer. Je m'auto-transitionne, t'as vu ? On va passer au tien. Je vais juste prendre une petite gorgée d'eau avant. Ça, c'est une moyenne gorgée d'eau. Ah, bah, désolée. Donc, alors, le tien, c'est... déjà, c'est pas un livre de poche, hein, parce qu'il est gros. C'est... Il est très lourd. Il est très lourd. Donc, le roman que toi, tu as choisi, ça s'appelle « Génération H », d'Alexandre Grondeau. Et alors, c'est aux éditions La Lune sur le Toit. Alors, c'est une édition qui est très drôle. Ça, j'ai regardé sur Internet. C'est une édition qui est spécialisée dans les romans un peu de la contre-culture. Ouais. C'est une jeune maison d'édition. D'ailleurs, notons que quand notre libraire ne l'avait pas, il a dû le commander. Et il a eu une petite note de l'éditeur, ce qui arrive avec des petites maisons d'édition. Donc voilà, ça vaut le coup d'être mentionné. Et ce qui est rigolo, c'est que cette maison est basée, je crois, à Aix-en-Provence. Elle est basée rue des Allumettes. Je trouve ça assez drôle. C'est mignon. Alors, on n'est pas plié en deux, j'ai bien conscience. Mmh. Mais... Du coup, c'est un bouquin qui fait à peu près le même nombre de pages que le mien, mais qui doit avoir à peu près, qui doit être à peu près deux fois plus gros vu la taille du bouquin. Il est très lourd. C'est des belles pages, c'est de la belle qualité d'ouvrage. C'est pas du roman de poche, c'est vraiment un beau bouquin, mais Et c'est d'ailleurs le négatif en couverture de ta couverture. C'est une couverture blanche. Là où la tienne était noire, enfin plus avec noire. Une femme. Là où c'est un homme. Là où c'est pareil, c'est qu'elle a aussi une cigarette à la bouche et qu'elle fait de chacun de ses mains un doigt d'honneur. Alors que lui, on ne voit pas ses mains. Non. Et qu'il a des lunettes. Elle n'a pas de lunettes. Et ce qui est bien, c'est que dans le titre « Génération H », les lettres, elles ne sont pas écrites en noir sur blanc, elles sont écrites en feuilles de cannabis. Oui, en fait, on a une image de feuilles de cannabis en transparence derrière. En transparence derrière. Oui, très très lourd ton bouquin. Je commence par quoi ? Par la première dernière phrase ? Ouais, comme tu veux, Bibi, c'est toi qui gère cette partie. Je vais commencer par ça, avec le prologue et la dernière phrase, et puis après, je te demanderai de me raconter un petit peu de quoi ça parle. Donc la première phrase de ce roman, bah tu l'as lu, tu sauras de quoi ça parle. Cela dit, moi, je t'ai vu le lire. Et j'ai eu l'impression que ça a été très très laborieux d'arriver au bout. Ça a été compliqué, mais parce que le livre est lourd. Ce qui explique pourquoi on fait déjà l'émission le 34 juin. oui, mais juin a été un peu compliqué. Mais parce que le livre est lourd. J'ai vraiment été en galère parce que le livre est vraiment très lourd. Bah, ça ne te donne pas envie de te poser le soir au lit ou sur le canapé pour un moment de détente avec un machin qui pèse 2 kilos dans les bras. Il n'y a pas non plus de moment un peu waouh au début. Mais c'est un trait du livre, mais on y reviendra. Il n'y a pas un truc waouh qui fait que tu es accroché au bouquin. Quoi. Mmh. C'est lourd, moi, tu lis 10 minutes et puis après tu lâches un peu l'affaire. Donc, première phrase, la vie peut commencer et finir dans un nuage de fumée achichée. Bon, on est tout de suite dans l'ambiance. Et dernière phrase, c'était les frères pétards. Bon, on reste dans l'ambiance. Référence au film Les frères pétards. D'accord. Alors, est-ce que tu peux me raconter un petit peu de quoi ça parle ? Alors, Génération H, c'est un roman qui raconte l'histoire de Sacha, de son meilleur ami, Johan, qui ont, je pense, 16-17 ans, plutôt 16 ans, et qui, en un été, vont partir en voyage, comme ça peut se faire, assister à un festival de country à Mirande. Ça se passe en France ? Ouais, ça se passe en France. On est en 95. C'est un roman français. Ouais, c'est un roman français. On est en 95. Chirac vient d'être élu. Et c'est un roman. Manger des pommes. Manger des pommes, tac, tac, boum, boum. c'était nul. Et c'est un roman où je ne me suis pas reconnu, mais j'ai un frère qui a 8 ans de plus que moi. Moi, je suis né en 84. Mon frère est né en 76. Donc, il était plus ou moins de cette génération-là. En 76, 95, il avait 21 ans. Ça colle à peu près. Ouais, et j'ai des souvenirs, moi, de vacances où on partait en vacances, notamment Saint-Valery-en-Caux, dans la Seine-Maritime. Et puis, à un moment donné, mon frère allait passer un week-end avec des copains. Donc, mon père l'emmenait dans un terrain de camping, il plantait sa tente et puis mon frère disparaissait pendant un week-end. Donc tu imagines bien ton frère dans le rôle d'un des deux personnages. Et oui, du coup j'ai un peu eu ce sentiment-là de finalement découvrir les aventures de mon frère. Alors attention, hein, ça part de cannabis. Mais du coup ça serait intéressant que tu lui fasses lire et que tu lui demandes si ça lui ressemble. Mais pour le coup oui, parce que j'ai eu l'impression de découvrir un peu mon frère par ce biais-là, de découvrir cette époque-là. Mm-hmm. Puisque Sacha est un consommateur de cannabis, un jeune de son époque, rebelle. Je veux pas dire, mais je suis de la même génération que ton frère et les jeunes de cette époque ne consommaient pas tous du cannabis. Hein. Non, mais voilà, mais c'est la discussion que j'aurais avec mon frère. Est-ce que tu as consommé, mon frère ? Non, mais c'est un peu ce truc-là des jeunes qui partent l'été, leurs premières vacances, et puis c'est cette génération. Quand on pense au cannabis, on pense généralement, l'image qui nous vient, c'est les années 60, c'est les hippies, etc. Oui, c'est vrai. Là, on est dans les générations post-hippies, en fait. Les enfants d'eux, on est dans une génération un peu désabusée aussi, et où le cannabis, la consommation de cannabis, a une autre connotation. Pour parler en connaissance de cause, les jeunes qui ont grandi dans ces années-là, ils ont grandi avec les parents qui étaient parfois au chômage, qui commençaient à avoir du mal à trouver du boulot, la menace du sida. La société de consommation de masse qui commençait. Ça pas forcément. Enfin, on n'a pas l'impression, quand on y repense, que c'était non plus. Enfin, c'était pas la période la plus folichonne du monde qui soit. Et donc, le roman, c'est l'histoire de ces vacances de Sacha, qui commence donc à Mirande. Et puis qui va aller tout au long de l'été en suivant son copain Joe qui est un peu en brouille avec ses parents et n'a pas trop envie de rentrer. Ils vont faire un peu tout le sud de la France. Ils sont originaires de Nice. Donc ils vont aller de Mirande. Ils vont faire un gros passage à Dax pendant les fêtes de Dax, les célèbres fêtes de Dax. Ils vont avec revenir, les taureaux et tout. Hein, avec les taureaux. Avec les taureaux, mais même si on ne voit pas les taureaux. Dax, ce sera surtout une occasion pour l'auteur de... Parce que pour le coup, il y a quand même une démarche. Je dis militante, oui, parce que Génération H, là, c'est le premier roman. Il y en a avoir trois autres. Oui, c'est ce que j'ai vu en me renseignant sur le... Bah, d'ailleurs, je crois qu'on voit à la fin... J'ai regardé, il y a d'autres... Oui, il y a les différentes pubs, ça, entre c'est son, guillemets. Ça, pour c'est les son premier autres, roman. Et j'ai vu qu'il y en avait d'autres à la fin de Génération H. Enfin, j'ai vu que c'était le premier tome... et qu'il avait fait des... Alors, je ne sais pas si c'est des suites dans le sens où c'est les mêmes personnages, mais visiblement, il y a l'air d'avoir des suites. Oui. En fait, c'est plus que des suites, c'est des portraits, en fait, de cette génération H. Donc, de cette génération du hashish. Là, c'est effectivement le portrait du jeune adolescent des années 90, rebelle, qui est un peu politisé, un peu beaucoup. Le mot qui revient le plus, c'est le mot subversif, qui revient beaucoup. D'accord. Le narrateur, c'est Sacha, hein, c'est le personnage principal. Comme je te le disais tout à l'heure, c'est un roman où, pour le coup... Il y a de la pédagogie qui est faite, puisque à la fois en ce qui concerne le hashish, puisqu'on a des notes de bas de page, tout nous est expliqué. Donc vraiment, si on ne connaît pas, on peut vraiment découvrir la culture et être outillé pour comprendre. Donc en fait, tu n'as pas besoin d'aller faire tes propres recherches sur Wikipédia pour savoir c'est quoi ce MOOC, à quoi ça correspond. Il faut dire que Alexandre Grondeau, il est enseignant. Il est même géographe de formation. Il a travaillé un peu sur tout ce qui est territoire intermédiaire, je crois. Enfin voilà, Ouais, donc il est plus dans l'explication, Ouais, il y a un côté, il y a un côté analytique. Et il y a quasiment un côté un peu témoignage dans le livre. C'est un roman, mais il y a quand même la volonté d'essayer d'autobiographie. D'autobiographie, non, mais la volonté de témoigner d'une époque, de restituer une époque. D'accord. Qui est cette époque, effectivement, cette génération H des années 90. Et de parler un peu aussi, de venir alimenter un peu la réflexion sur le cannabis, la dépénalisation. Et du coup, la démarche militante, c'est plus en faveur de la dépénalisation ou contre ? Bah, si on suit Sacha, lui c'est en faveur de la dépénalisation. Ouais, mais tu pourrais suivre un personnage qui justement non là on est vers un partisan et que à la fin tu te rends compte que ça le détruit ou que ça entrave quelque chose et que ça te montre en fait à quel point ça peut détruire quelqu'un et que justement le fait d'avoir suivi son quotidien, ça te fait comprendre que c'est pas le chemin qu'il faut suivre. Je vais te lire un extrait, en fait. C'est la citation d'un personnage, parce qu'il y a énormément de personnages, puisque du coup, bah, tout au cours de la pérégrination de Sacha et Johan, on va rencontrer des personnages, notamment un surfeur. Je vous dirai l'extrait du surfeur qui m'a beaucoup fait rire. Et donc là, il y a un extrait, page 130. « Le hashish fait peur au pouvoir, c'est une évidence, mais ce n'est pas son usage récréatif qui inquiète les autorités. Il n'a que faire des fous rires des adolescents ou des soirées entre potes passées à se délasser dans l'anonymat de la nuit. Il a toute raison, en revanche, de craindre sa dimension spirituelle et méditative, sa capacité à permettre la découverte et l'exploration des sens. Regarde Napoléon qui a interdit la fumette à ses soldats après avoir compris que la marijuana et la guerre ne faisaient pas bon ménage. » Fin de citation. « Je me perdais dans des méandres de pensées fumeuses et éclatant un gros trois-feuilles de skunk. » C'est Sacha qui est le narrateur ? C'est Sacha qui est le narrateur. Là, il cite quelqu'un qui... Ah oui, parce que je me disais, ça ressemble pas à un vocabulaire d'un adolescent de 16 ans, ça. Et là, donc, du coup, lui, il finit cet extrait-là en disant « Je me perdais dans les méandres de pensées fumeuses en éclatant un gros trois-feuilles de skunk. » D'accord. Et c'est le truc, c'est que on est sur un roman qui... Sacha, il est un peu le passager de cette époque. Il témoigne de son époque. Lui, il vit sa vie, en fait. Et il va rencontrer des gens, il va faire des observations, il a clairement... Des gens de sa génération uniquement ou de tous âges ? De sa génération, des gens plus âgés, dont le surfeur, Eric. Alors je sens que tu as envie de nous parler de ce surfeur. Ah, mais j'ai envie de raconter l'extrait. Mais du coup, c'est un extrait là que je t'ai lu qui est assez dans l'esprit du roman, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un roman qui est militant, qui va te chercher à te convaincre. Mais on est quand même dans un roman qui va chercher à démystifier, ouais. À donner des arguments dans le débat, dans la réflexion, à essayer de faire avancer la réflexion. Notamment, l'un des arguments qui est utilisé sur la légalisation du cannabis, aujourd'hui, c'est, après tout, il y a d'autres drogues qui sont légales, sur lesquelles on prend de l'impôt, on prend des taxes, notamment le tabac et l'alcool. Quand ils vont à Dax... C'est la partie la plus intéressante du roman, pour moi. C'est quand ils vont à Dax, en fait, il n'est pas du tout à l'aise à Dax, parce que, certes, ça fait la fête, mais les mecs se bourrent la gueule. Oui, et lui, c'est pas forcément mieux. Et lui, il est dans un truc où, en fait, le but du jeu, c'est pas de se défouler. Le but du jeu, c'est le fameux « on n'est pas bien, là ». Et voilà, lui, il est bien. Tu fais tellement bien. Il va philosopher. Le roman, c'est un peu que ça tout du long. C'est-à-dire qu'il y a des extraits où il va philosopher. Il y a un extrait que moi, j'ai beaucoup aimé, que je vous lis, hein, parce qu'il me parle beaucoup. « Les toilettes sont un endroit rare, propre à la lecture et à la méditation. On y est coupé du reste de la maison et de la réalité, retrouvant une position universelle pour un acte commun, se vider les intestins. Et l'esprit, dans la foulée. Les gens qui ont un minimum d'éducation dotent ce lieu de vie mésestimée d'une bibliothèque conséquente et variée afin de pouvoir y satisfaire toutes les envies de leurs visiteurs. Des WC qui se respectent doivent permettre, en fonction des humeurs, qu'on s'y cultive, qu'on s'y distrait, voire qu'on s'y oublie. » Et voilà, il y a des petits passages, quasiment chaque chapitre commence un petit peu comme ça, par les réflexions de n'importe qui, enfin de Sacha, mais qui finalement sont toutes des réflexions qu'on se fait nous au quotidien. Et c'est ce que j'ai trouvé. Oui, j'avoue que celle des toilettes, c'est quelque chose que tu t'es fait au quotidien. Oui, ben moi, c'est tout à fait. J'ai longuement le temps de méditer dans cette pièce. Et du coup, c'est ce qui fait que j'ai eu un peu de mal à rentrer quand même dedans. Parce qu'à vrai dire, il n'y a pas d'histoire. Ouais, c'est juste leur pérégrinage. On les voit faire du stop, on les voit coucher chez des mecs, voilà, ils demandent ce qu'ils font de la journée. Il y a du sexe ? Ah oui, il y a des scènes de sexe qui sont plutôt pas mal d'ailleurs, parce qu'il est adolescent et puis il va rencontrer trois nénettes. Il y a des histoires de drague, il y a des histoires de râteau, ça parle du Tour de France, voilà. Vrai que le sexe et le Tour de France. Il y a des scènes un peu de tension. Mais au final, il n'y a pas véritablement d'histoire. Et c'est ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on est effectivement de l'ordre du témoignage. Et je disais tout à l'heure qu'on est un peu le témoignage de l'époque. Il se trouve qu'on est sur une maison d'édition et sur un auteur qui aime aussi le reggae, donc lié quand même à la culture cannabique, on va dire, entre guillemets. Et le roman est, en fait, cite beaucoup de chansons. Oui, alors ça, c'est quelque chose que j'avais vu quand tu as commencé le livre, que je l'avais feuilleté quand tu l'as acheté et que j'ai retrouvé en faisant mes petites recherches sur le roman pour préparer l'émission. Il y a la playlist du roman à la fin. Oui. Et j'aime beaucoup cette idée. Et le même dans le livre, en fait, les chansons sont écrites d'une certaine manière, sont en italique, en fait. Et donc, ça te permet de savoir qu'à ce moment-là, tu as une chanson et que, du coup, même Sacha te donne son avis sur la musique. Parce qu'au même titre que dans les années 60, le hippie, la culture hippie, peace and love, etc., c'est une culture de l'expérimentation, de la méditation, etc., autour du cannabis, mais aussi de la musique. Et c'est une grande période productive musicale. Lui, il prend aussi le parti, c'est plus cette génération H qui est la génération d'après, aussi de parler de la musique de son époque. Alors, moi, je suis hermétique à la musique, et surtout à ce style de musique-là, je ne suis pas très client. Tu es allé écouter quelques-uns des morceaux ? Les deux, trois premiers, et puis après, je suis passé à autre chose. Mais il y a Noir Désir, Les Doors, Les Têtes Raides, Nirvana, UB40, Mano Negra, il y a NTM. Ouais, rien que ça, c'est des noms que j'associe facilement à cette génération d'adolescence, de milieu des années 90. Quoi. Raga Sonic, Boujou Banton. Ça, je connais pas. Boujou, nous en Normandie, c'est dire bisous. Allez, Boujou. Et donc, bah, voilà un peu ce roman dans lequel j'ai effectivement eu un peu de mal à rentrer, mais notamment en partie à cause du poids du livre. Oui, alors pour l'avoir tenu en main quelques minutes, il est très lourd et il ne donne pas envie de te poser, de te cocooner avec ton roman, quoi. Mais surtout d'être sorti du bouquin de Star Wars, qui est un poche. Ah oui. Avant, c'était déjà un poche. J'avais lu d'autres bouquins, quelques autres bouquins entre-temps, mais qui n'étaient pas des gros formats. Là, c'est un vrai format roman et pour le coup, la qualité du papier est très, très bonne. Ouais, mais du coup, ça en fait un roman lourd. Mais ça en fait un roman lourd. Mais c'est limite, c'est rigolo parce que c'est limite la qualité de papier qu'on retrouve dans des maisons d'édition scientifiques. Des bouquins que tu peux trouver, on en a quelques-uns ici. Moi, les bouquins que j'avais à l'époque où j'étais en fac d'histoire, c'est un papier un peu plus épais. Pour en avoir, dans le cadre de mon travail, rencontré des archivistes, etc., qui faisaient des publications, pour en avoir accompagné des projets de publication, c'est toujours une attention portée au beau papier. Et là, je me dis, on est quand même à la base sur un chercheur, sur une maison d'édition qui... Mais du coup, c'est en contradiction avec l'idée que ça... Enfin, pour moi, la génération H, je m'attendrais plutôt à trouver sur du papier de moins bonne qualité ou mais parce quelque que chose un produit de... moins beau, un produit fini moins luxueux en fait. Ouais, mais là le but du jeu c'est qu'on est vraiment dans le témoignage, dans la restitution de cette époque. Et donc je me prive pas du plaisir de lire. Ah oui, parle-nous du passage avec le surfeur. Je pense visiblement tu en meurs d'envie. Mais oui, ça j'ai parce que alors. L'absence d'histoire, l'absence d'enjeu a fait un peu freiner au début. Et cet extrait-là a contribué, on est à peu près à mi-bouquin, a contribué vraiment à me... Parce que je l'ai commencé un peu au début et puis je l'ai fini, les 200 dernières pages, je les ai lues dans la semaine, enfin dans les 10 derniers jours. J'ai beaucoup mal à m'y remettre. Et bon, pas uniquement lié au bouquin, mais cet extrait-là... Oui, on a une vie à côté des podcasts. Oui, bah oui. Cet extrait-là m'a rappelé que... mine de rien, ce bouquin est quand même très agréable à lire, qu'il y a des passages. Alors même si c'est par moments de la philosophie un peu de comptoir ou ce genre de choses, c'est bien écrit, c'est bien amené. Et puis il y a des portraits de l'époque. On est beaucoup en milieu rural. Les fêtes de Dax aussi sont décrites. Voilà, j'ai beaucoup aimé la manière dont c'était décrit. Donc là, il y a cet extrait. Le surfeur porte des fringues toujours de marque, souvent très cher, Billabong, Rip Curl, Oxbow, dans le désordre, mais un peu défraîchi par les éléments contraires, car il ne faut pas faire trop gravure de mode, juste désinvolte chic et bien propre sur soi. Le surfeur est une fashion victime qui se doit de respecter son statut social. Il en oublie souvent l'origine de ses t-shirts fabriqués par des gosses indiens ou chinois qui portent le torse bombé afin de montrer qu'il possède assez de force pour combattre les méchants et en finir avec la guerre dans le monde. Tout ça pour dire que si vous avez un projet humanitaire à défendre, une espèce de poisson en voie de disparition ou une variété d'algues à sauver des amateurs de sushi, vous pouvez compter sur lui, sauf si la météo lui est favorable. Dans ce cas, oubliez tous vos plans. Les femmes et les enfants passeront en dernier. Il faut que le mammifère aux épaules en arrière et aux cheveux lâchés au vent puisse aller se faire bronzer sur sa planche de surf. Il y a des priorités dans la vie et la glisse est l'ultime destinée de notre hominidé décérébré. Mais qu'est-ce qu'il fait ce gonze ? Demanda Joe en m'arrachant le joint de la bouche. Il vit, Joe. Il se meut dans l'espace pour donner l'impression qu'il existe. Il lance un message au monde entier pour annoncer que ça y est, à l'âge de 20 ans, il marche. Miracle de l'évolution et de la motricité humaine. Et c'est très drôle. C'est très drôle. C'est vraiment, ça fait partie de, c'est l'extrait que j'ai marqué, mais voilà, il y a l'extrait des toilettes qui m'a bien plu. Il y a même un extrait, à un moment donné, Sacha dit, il existe deux types de livres sur les drogues. J'ai trouvé audacieux de tout de suite évoquer les types de livres sur la drogue, alors que tu fais un livre sur la drogue. Ceux qui te donnent envie de découvrir les ressorts de ton âme te poussent inextricablement à te dépasser et ceux qui te blasent de ces expériences à cause de considérations morales, religieuses et de la peur de découvrir qu'un ailleurs, un autre part existe. Voilà, je trouvais plutôt bien qu'ils disent « Vas-y, je te donne... maintenant, situe-moi. » Un peu entre les deux. Mais voilà, donc, bouquin que j'ai finalement beaucoup aimé. Oui. Même si je ne lirai pas la suite. Parce que après, il faudrait voir exactement de quoi parle la suite. Alors, je trouve pour le coup que la couverture, moi, m'a pas donné du tout envie de le lire. Ça te donne une impression de cette génération très revendicatrice. Ouais, la fille très mince, le bédo aux lèvres, en train de faire fuck avec ses doigts. Tu dis ça ou, tellement bien. On ou derrière, voilà, c'est, ça me vendait pas. Il y a la même photo, enfin la photo de la même fille derrière. Oui, sur la quatrième de couverture, elle te regarde d'un côté insolente et hautaine. C'est ça, un peu hautaine. Voilà, donc j'avais un peu peur. J'avais un peu peur que ce soit effectivement ce bouquin un peu moralisateur, etc. Et je trouve que il arrive bien à garder Sacha. Je trouve que là, vraiment la performance de son personnage principal, il arrive bien à le garder. Spectateur, ouais. Mais en même temps acteur de l'histoire. C'est-à-dire qu'il décrit, il va rencontrer des gens avec leurs opinions, avec leur expérience de vie, etc. Toujours parce que le sujet principal du roman, c'est le cannabis, c'est la consommation, toutes les variétés, etc. Ouais, donc toi, c'est vraiment le sujet principal. Ah oui, lui. C'est vraiment le sujet alors principal. Alors que moi, c'était vraiment un élément du scénario. Oui. Moi, c'est vraiment le sujet principal. C'est le cannabis et cette génération cannabis en France. Là aussi, un particulier histoire du roman américain et dans un endroit où c'est légalisé. Nous, un roman en France où, effectivement, on traite par moments comme des criminels, des petits consommateurs. Ouais, des gamins de 16 ans qui voilà. Fument quelques joints le week-end. C'est ça. Après, malgré tout, voilà, dans le lot, il y a des discours, mais c'est là où je trouve qu'il est plutôt... Comme il donne quand même du caractère, et ce côté très subversif, le fait d'avoir choisi un adolescent aussi, et cette époque-là, fait qu'on n'oublie pas que c'est Sacha qui parle. Soit il restitue des paroles d'autres. Mmh. Donc là, entre guillemets, la liberté de dire... moi, je fais dire... c'est réaliste. Hein, je fais dire à des gens ce qu'ils sont en mesure de dire... C'est pas ce que moi je pense. C'est parce que oui. Et mon personnage principal, c'est pas ce qu'il pense. Et il fait aussi dire des choses à son personnage principal. Mais en même temps, son personnage principal, c'est un adolescent qui est en pleine révolution, qui vit des histoires d'amour, qui va tomber amoureux, qui vit une relation avec son meilleur pote très fusionnel, et qui, oui, a des idées subversives, qui un petit peu révolutionnaire. Bah, un peu comme beaucoup à l'adolescence, qui veulent refaire le monde et tout. Enfin, c'est pas nouveau, ça. Mais en même temps, c'est pas lourd. C'est pas... Non, si, visiblement, le bouquin est lourd. Oui, le bouquin est lourd, mais c'est pas du gros rouge qui tâche, quoi. Si je peux me permettre la comparaison alcoolique. Voilà, c'est plutôt bien fait. J'ai pas grand-chose d'autre à dire. Bah, c'est pas mal, je trouve, déjà. Tu en as bien parlé. Ça peut rendre curieux. Merci. Ou... Je suis gentille femme. J'avoue que j'ai pas envie de le lire. Et pourquoi tu n'as pas envie de le lire? D'abord, c'est des lourds. Oui, je pense que c'est mon principal argument. Oui, on est en train de faire un podcast, oui, tout à fait. Tu peux rentrer chez toi, merci. Et pourquoi donc tu ne veux pas le lire ? Bah, je suis pas sûre de me reconnaître en fait dedans. Tu as besoin de te reconnaître dans un roman? Non, pour le... mais pour le coup, ça parle de ma génération. Ouais. Et bon, ça pourrait être intéressant de découvrir, parce que je suis sûre que j'ai dû avoir des copains, copines qui se reconnaîtraient dedans. Mais bah, à la base, c'est pas forcément non plus un thème qui m'attirait, le cannabis, plus que ça. Et c'était pas le thème qui m'attirait le plus dans tout notre, dans tous les thèmes de cette année. Et le mien, je trouve que je m'en suis bien sortie parce que ça en parle. Là, oui, c'est quelque chose de divertissant. C'est ça, c'est... Bah, c'était un peu le truc, c'est que il y avait quand même quelque chose un peu de... quand même assez sérieux, même si le livre est un vrai roman et je pense qu'effectivement, il faut avoir envie, à ce moment-là, de s'intéresser un peu au sujet. Mm. C'est un livre qui fait un peu réfléchir, quand même, malgré tout. Je pense que ma position sur la légalisation du cannabis et sur le cannabis en général a un peu bougé par rapport à ce livre. Après avoir lu ce livre, oui, ça t'a apporté de la réflexion. Bah parce que j'ai un point de vue un peu extérieur. Mmh. J'ai quelque chose finalement, c'est quelque chose que je connais pas. C'est-à-dire que on nous sollicite pour avoir notre avis. On est tous sollicités par des sondages pour avoir notre avis sur des trucs. Finalement, on ne maîtrise pas le Covid, les religions, le cannabis. Bon, ben voilà, moi, le cannabis, en fait, c'est effectivement, je comprends les thématiques de société. Après, je connais pas du tout. Dans le roman, il y a quand même ce discours de fond qui est que le cannabis, c'est effectivement cette drogue récréative qui permet de se déconnecter, d'être cool, quoi. Voilà. C'est tout à fait l'impression que j'ai dans le mien quand il y a quelques passages où il consomme et lui ou d'autres personnages de la galerie de personnages qui l'entourent, il y a des moments où ça consomme et tu les sens que ils font ça, c'est plus cool quoi, le monde est plus cool quand il consomme quoi, la vision du monde est plus cool. Et moi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est finalement quand ils parlent de génération H, en filigrane malgré tout, il y a ce conflit de génération. C'est-à-dire qu'ils parlent de cette génération-là, mais malgré tout, cette génération-là, elle est un peu en opposition, pas à une autre, mais à d'autres générations. Ils sont en opposition à leurs parents, ils sont un peu en opposition avec la génération, je dirais, hippie ou 68arde. Mmh. Ils sont jeunes, ils ont 16-17 ans, ils ont l'ambition d'être les 68ards qui vont aller au bout de la démarche, contrairement aux 68ards qui sont oui, pas allés au bout. Finalement, les gamins qui avaient 15 ans, 15-20 ans dans les années 90, ce sont maintenant des quadras. Oui. Est-ce qu'ils sont réellement allés au bout de leur démarche? Mais c'est pour le coup, c'est peut-être ça qui pourrait m'intéresser, c'est de revenir, de découvrir Sacha aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce qu'il est devenu? Qu'est-ce qu'il fait de sa vie? Même si la fin du roman laisse un peu à penser que, ben, au final, il va faire comme tout le monde, c'est-à-dire qu'il va vieillir, il va s'assagir, il va peut-être garder sa consommation et son expertise du cannabis, mais ben voilà, il va tomber amoureux, il va se caser, il va trouver un boulot, parce que lui, il veut pas bosser à la base. Mais oui, mais en même temps, tu connais beaucoup d'adolescents dont le rêve dans la vie, c'est de bosser. Non. Mais voilà, mais du coup, ce serait intéressant d'avoir le point de vue de Sacha. Voir ce qu'il est devenu en ayant cette opinion-là. Ouais, dans les années 2000, 16 ans, 2015, 16, 17 ans. Un peu aujourd'hui. Ouais. 20 ans après, quoi. 20 ans après, de voir ce qu'il est devenu, ce qu'il a en... Quel regard aussi il porte sur cet épisode-là. Bah, 20-25 ans après, ça fait une génération après. C'est ça. Ça permet de voir de voir comment d'une génération à l'autre... Ça évolue et comment la prochaine génération qui sera la génération W ou la génération Z. Oui, alors en tout cas une génération qui rapporte beaucoup au Scrabble. Oh, le H c'est déjà pas mal. Donc en tout cas, c'en est fini pour le mois de juin. Oui. Et la thématique du cannabis. Après juin, Bibiche, c'est juillet. Juillet. Donc demain nous sommes le 1er juillet. Non. Je dis qu'en juin, il y a 37 jours. Donc demain, on est le 35 juin. Ah oui, d'accord. Donc dans quelques jours, nous serons le 1er juillet. Tout à fait. Et à partir du 1er juillet, on va lire un nouveau roman. Sur un autre thème. Et quel est ce thème, Bibiche? Alors, le mois de juillet... Attention, l'intitulé précis. précis. Alors attends, j'ai un doute parce que du coup... Ah, tu fais chier, j'ai pas prévu de lire mon portable. En fait, j'avais pas prévu d'avoir... Alors attends, on bouge pas, je récupère tout de suite parce que je l'ai dans mes favoris challenge lecture. Alors, ce que c'est pas par ordre de moi, faut juste que je le... Ah non, c'est pas celui-là. Ben, je le retrouve pas. Ah oui. C'est tellement radiophonique. Un roman qui se déroule pendant une révolution. Mais oui, parce que c'est bientôt le 14 juillet. Ah, mais oui, c'est la Révolution française. Oui. C'est l'anniversaire de la Révolution française. Même si certains disent que c'est le 44 juin, mais... Donc, un roman ou un livre ? Un roman. Oui, un le roman. Seul livre qu'on avait, c'était le livre sur l'univers de la couture. Donc, un roman qui se déroule pendant une révolution. Et donc, du coup, ça, c'est le programme du mois de juillet. Oui. Est-ce que il y avait des... Alors, rappelons quand même... on a la possibilité, les auditeurs ont la possibilité, s'ils ont lu un livre sur la thématique du mois, de nous le partager. Mmh. Pour ça, c'est en note du podcast. Vous avez un petit formulaire Google qui permet de nous donner le titre du livre, la thématique abordée. Donc, ça peut être les thématiques qu'on a déjà vues, même si on n'en reparlera pas dans l'émission, mais les thématiques à venir. D'ailleurs, en ce qui concerne les thématiques déjà abordées, on a reçu un message cette semaine. Oui, alors je fais juste la présentation des thématiques. Après, je te redonne la parole sur le message. Ah bah non, cette semaine. Tu pourras parce que c'est pas moi. Oh, mais je te laisse faire. C'est toi qui as ouvert ta bouche, donc du coup, tu vas te débrouiller, femme. Mais donc du coup, oui, vous avez la possibilité de nous mettre, de nous transmettre un peu un livre, par exemple sur le cannabis. Nous, on est toujours curieux de savoir s'il y a d'autres livres parce qu'on n'en a pas trouvé beaucoup. Oui, je crois que la liste était de 4 ou 5, pas plus. On en a trié pas mal parce que ça n'avait pas l'air de nous plaire. En fait, c'est plus facile quand on tape drogue en général que le cannabis. Vrai. C'était quand même très restrictif au niveau de la drogue. Effectivement, il n'y avait pas beaucoup de choix. Et donc, du coup, voilà, vous pouvez nous transmettre ça. Et puis, donc là, sur le prochain thème, avec un livre qui parle de révolution. Qui se déroule pendant une révolution. Ah merde, oui, ça, c'est subtil. Il est bien. Et donc, Bibiche, tu disais que nous avions reçu un message par le biais découvert qu'on nous avions reçu un message via ce formulaire sur un des livres que nous avions lu au mois de mars, si je ne me souviens bien, puisque c'était sur le thème de la guerre, d'un roman de guerre qui parle de guerre, et donc d'un de nos auditeurs, Quentin. Bonjour Quentin. De notre auditeur. Non, rappelle-toi, nous en avons deux. Trois même, on a eu trois. Trois ? C'est qui ? On a eu un message il y a quelques semaines, quelques mois. Ah, je m'en souviens plus. Désolée, auditeur dont j'ai oublié le nom. Oui, elle oublie beaucoup de choses en ce moment. Donc, nous avons eu un message de Quentin. D'ailleurs, il faudrait partir, madame, hein, parce que là, vous n'êtes pas du tout dans le bon appartement. Je n'osais pas vous le dire. Je participe avec vous à ça, mais là, ça fait 6 mois que ça dure, ça devient chiant. Donc, nous avons reçu un message de Quentin qui a lu un des deux romans dont nous avons parlé au mois de mars. C'était celui que toi, tu avais lu. Dont j'ai oublié le titre. Le chagrin de la guerre. De Baonin. Celui dont j'ai eu tant de mal à prononcer le nom du traducteur. Oui, c'est vrai. Et donc tu te rappelles très bien de cette émission qu'on a réécoutée hier soir. Tout à fait. Et du coup, il nous a laissé un petit commentaire. Je crois me souvenir que tu l'as partagé sur Twitter. Je ne devrais pas avoir trop de mal à le retrouver. Est-ce que tu veux qu'on le partage à... Si tu veux. On peut le... Rappelons qu'on a un compte Twitter, hein, livre-nous, donc livre au pluriel et nous avec un S à la fin aussi. Mais ça, c'est normal, c'est classique. C'est oui, peut-être. Et nous est forcément au pluriel puisque c'est nous. Nous au singulier, c'est pas nous, c'est tu. Effectivement, c'est très puissant. Ah, ben je vois qu'il est là. Donc nous avons reçu un petit message, donc si ça peut encourager. Il faudrait que tu parles un peu plus fort, Bibiche. Oui, je parle un peu plus fort. C'est parce qu'en fait, j'avais la tête penchée sur mon téléphone pour rechercher le dit message en question. Donc je vous lis le message que nous avons reçu. Hello, pas une suggestion, mais un retour. En écoutant le numéro de mois de mars, Dino me donne envie de découvrir le livre qu'il avait choisi pour le thème « Un roman de guerre ». Sur le moment, je prends une note « Livre Dino Guerre ». Les semaines passent et j'achète finalement le roman « Le chagrin de la guerre ». Je me plonge dans la lecture, je maudis Dino et pense que nos goûts littéraires sont définitivement incompatibles. Il faut dire que tu as lu récemment un livre que lui-même t'avait conseillé, oui, et pour lequel vous n'avez pas du tout la même opinion. Le temps a effacé de ma mémoire les raisons pour lesquelles j'ai voulu le lire. L'incompréhension est totale. 100 pages plus tard, je prends enfin goût au livre. Mon intérêt pour celui-ci grandit de façon exponentielle. Les pages passent trop vite et le point final arrive. Je réécoute le podcast et comprends à nouveau pourquoi je me suis laissé convaincre. Je ne referai pas l'analyse du livre car vous l'avez parfaitement fait. Merci. Donc ça, pour le coup, c'est très sympa d'avoir le retour de quelqu'un qui a lu un des romans que nous, on a lu et qui nous partage son opinion sur ce roman. C'est très chouette d'avoir ce retour. Donc n'hésitez pas, hein, si vous lisez des romans qu'on a partagés dans l'émission, et donc vous retrouvez, je rappelle, dans notre podcast, tous les liens vers les fiches directement des éditeurs pour pouvoir les commander chez vos libraires de proximité. N'hésitez pas à nous laisser un message directement sur notre compte Twitter, hein, livre-nous, tout au pluriel. Et je pense qu'on a fait le tour. Ouais, cette émission est un peu décousue, Bibiche. C'est rigolo parce que c'est pas l'émission du mois d'avril. Bah non, elle pourtant. Oui, mais du coup décousu avec le juin, ça peut passer. On est un peu shooté. Enfin, moi personnellement, je le suis depuis 2 mois et demi, mais bon. Donc rendez-vous dans maximum 35 jours, 36 jours. 31 plus les 3 jours qui restent du mois de juin. Tout à fait. Donc 34 jours. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire ? Ah oui, on peut vous rappeler, vous pouvez mettre des notes au podcast sur Apple Podcast ou sur Podcast Addict avec un petit commentaire. Et si en commentaire, vous pouvez nous faire une proposition de catégorie pour l'année prochaine. C'est ce que j'allais rappeler. On est à la mi-saison, donc du coup, il nous reste encore 6 thèmes à balayer. Voilà, mais on va commencer déjà à réfléchir un peu au programme de 2022. Donc n'hésitez pas à nous faire ça, des propositions. Moi, personnellement, je vais commencer à chercher les livres parce que j'ai celui du mois de juillet, mais après ça, j'ai pas encore trop commencé à chercher les suivants. Et bah, sache que j'en ai 4 pour juillet et août. 4 pour 2 mois ? Eh ouais. Bon, j'en ai un pour juillet, mais j'en ai un pour septembre. Moi, je l'ai pas. Mais j'ai demandé à mon libraire qu'il m'en mette un. Enfin, qu'il m'en fasse un. Donc, il m'en reste encore 4 à trouver, et donc je vais d'abord me concentrer là-dessus et puis on commencera à réfléchir pour l'année prochaine. Donc voilà, comme on n'a pas trop envie de s'en occuper, n'hésitez pas à nous faire des propositions. Bah, c'est surtout que si c'est nous qui cherchons, on finit par tomber sur des thèmes... C'est ça, on a envie de traiter. Bah oui, au minimum, où on se connaît, où on sait aussi ce qui va nous plaire ou pas nous plaire. Si ça vient de quelqu'un de l'extérieur, ça peut être quelque chose de complètement inédit ou inattendu. Donc n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles évidemment et puis en commentaire une proposition de catégorie voilà, qu'on s'engage à traiter un jour ou l'autre sans s'engager véritablement sur quel jour et quelle échéance. Oh, d'ici 2023-2024 ça devrait être fait. Oui voilà. Bibiche, du coup, on termine l'émission. Oui. Encore une émission qui a duré plus d'une heure. Pourtant tu avais peur qu'elle ne dure pas très longtemps. On a été bavard. Pas avoir trop de choses à dire. Et donc du coup, Bibiche, il te revient dernier mot. Mon Dieu, le mot de la fin. Le mot de la fin. Attends, si tu peux me laisser du temps, s'il te plaît, pour ouvrir l'application qui permet de lancer le générique. Voilà, c'est bon, tu m'as laissé du temps. Je te remercie. Du coup, je peux dire le mot de la fin ? Oui, tout à fait. Ce sera puzzle.